on a dit partout que Focard, c'est l'homme des situations difficiles. Non, pas spécialement des situations difficiles. On a surtout raconté l'état d'histoire avec les réseaux Focard et les histoires de ce genre. Ces réseaux existaient vraiment ? Non, ils n'ont jamais existé. Je l'ai dit et répété. Jamais on a trouvé quelqu'un qui ait dit, ben moi voilà, j'étais un agent de Focard. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Vous savez, si vous avez des réseaux, il y a forcément des fuites, il y a des... Donc ça se serait su. Non, ce que j'ai, c'est un réseau d'amitié très profond. Alors il est certain que des gens me tenaient au courant de l'évolution des situations, dans l'intérêt, lorsqu'ils étaient africains, de leur pays, comme dans l'intérêt de la France. Alors c'est pour ça, on avait toujours l'impression que j'avais partout des gens que je connaissais. Oui, c'est vrai, j'ai un réseau d'amis, mais je n'ai pas un réseau tout court. Vous êtes intervenu dans des situations souvent difficiles. Vous avez donné votre point de vue, vous avez dirigé le général de Gaulle. Je me suis permis de donner des conseils au général, puisque j'étais là pour ça. Mais enfin, vous savez, le général, il avait une idée précise de ce qu'était la France et que devait être la politique de la France, et c'était sa politique que je suivais. Je dois dire que quand on parle de la politique de Focard en Afrique, c'est une plaisanterie. Il n'y avait pas une politique de Focard. Focard a été secrétaire général du temps du général de Gaulle et il appliquait la politique du général de Gaulle, avec qui d'ailleurs j'étais en accord absolument total. Et puis ensuite j'étais secrétaire général du temps de Pompidou et j'appliquais la politique de Georges Pompidou et non pas celle de Focard. Un tout autre profil, celui de Jean-Pierre Cotte. Nommé ministre de la Coopération dès l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en mai 1981, il démissionnera de son poste en décembre 1982. Quelques années plus tard, il s'exprime au micro de RFI.